voici el señor Guillermo Guiz. Absolument. Hombre. Hombre. Qui n'a pas fui, qui est resté. Je ne sais pas fui. Ça va les amigos? Ça va. Oui. Hey, je veux pas vous parler politique ce matin. Non, c'est gentil. Mais juste quand même, les gars, putain, j'ai réécouté ma chronique de lundi passé. Macron-Le Pen, vous avez dit ou vous avez pas dit? Putain, je dois être un prophète, putain, un mage ou quoi, je sais pas, franchement. Toi. Personne n'avait vu venir. Et moi, j'étais là, mais je vous verrai. Vous verrez, franchement, c'est incroyable. Mes parents, ils me disent toujours, tu es l'élu. Néo. Et j'étais là, oh, vous dites ça pour me faire plaisir. Et vrai, ben, en fait, c'est vrai. Finalement, d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, j'ai les résultats du Keno pour demain. Moi, j'en fais rien. De toute façon, la Française des Jeux, je suis persona non grata et Vigine, il me laisse plus rentrer. Forcément, avec mon. Enfin, soit hier, j'ai regardé un peu la télé. J'aime bien la télé le dimanche. En général, j'invite des gens que j'ai envie d'impressionner. Et vers 13h, je mets France 2. Le JT commence et je suis là. C'est marrant, je la connais. Les gens, il faut arrêter ça. Je fais non, je vous promets, Lila et moi, on est comme ça. Quoi. C'est Gretel, je suis Hansel. Quoi. Vraiment, tu vois. Ils me font non. Je fais, et là, je sors ma fiole de poppers. Celle où vous avez écrit à Ernesto, mon 7e belge préféré. Les gens, ils sont là. Comment t'as percé? Tu la connais, tout, c'est vrai. Donc, hier, je mets la télé. Mais j'ai, juste avant vous JT, je tombe sur la nouvelle pub pour Renault. Vous voyez celle avec Space Oddity de David Bowie. Tu la vois, quoi? Oui. Bah, ah, j'adore ce morceau. Combien de fois j'ai pas gagné le blind test avec ce morceau? En même temps, le blind test, j'ai pas vraiment de mérite avec mon don. C'est vrai. De temps en temps, je laisse gagner Daniel. Je me dis, bah, il a une vie assez dure comme ça. C'est peut-être vrai. Un petit plaisir pour lui. Déjà, il peut pas s'acheter des habits. Et tout. C'est vrai que ça peut lui faire plaisir. Donc, mais bon, demain, l'invité, c'est Eddy de Préto. Flag le thème du blind test. Ça va être les Eddy de la chanson française. Je t'annonce, en 1, il y aura mon kid. En 2, couleur mentalo. En 3, la vie en rose. Flagrant. Eddy Piaf. J'ai vu que j'étais un bon humoriste. Hein. Bon, en soit, elle est pas mal cette pub pour Renault. Ça montre une journée des travailleurs et tout. C'est monté comme une espèce de vol dans l'espace et tout. Avec Bowie en fond sonore et tout. Sauf que pendant la pub, en bas de l'écran, je vois écrit en petit comme ça: au quotidien, prenez les transports en commun, hashtag se déplacer moins pollué. Ouais. Franchement, j'étais déconcerté. J'étais là, vous me vendez une voiture ou un passe Navigo, les gars? Parce que franchement, perso, je m'en fous. Je comptais pas acheter une Renault. De toute façon, depuis la Coupe du Monde, même quand j'achetais un croissant, je m'assure qu'il est pas français. Je mets plus une thune dans ce pays depuis 4 ans. Et ça vous a coûté 2 points de PIB. Macron Le Pen au deuxième tour, c'est l'effet papillon, mon pote. Je te le dis, tu vois, bien joué. Mais bon, moi je me suis renseigné. En fait, depuis mars, les constructeurs automobiles, ils sont obligés de placer des messages écolos sur leurs pubs, comme avec les sucreries. En gros, l'État te laisse promouvoir tes voitures, mais en t'obligeant de dire ouais, on sait, c'est pas ouf. C'est pas ouf les voitures, mais faut bien gagner sa croûte, tu vois. C'est quand même schizophrène, quoi. Toute la journée, t'entends que c'est maintenant qu'il faut faire des efforts pour la planète, et le dimanche, t'allumes la télé, il y a Automoto. Je vais faire une confidence, moi je kiffe Automoto. Déjà, c'est une émission qui tient toutes ses promesses. Dans Automoto, il y a des autos, il y a des motos, t'es jamais déçu. C'est pas comme dans Taratata. Dans Taratata, pas une seule fois j'ai vu ma tante. Ou la tente d'un autre. Non, ils, vont supprimer la redevance. La qualité des blagues, ça va pas aller en Samuel Laurent, je vous dis. Hein, franchement, ça, faut s'habituer. Ça a commencé. L'année prochaine, ça va être pire. Hein. Mais j'aime bien Automoto, c'est ma petite nostalgie de l'ancien monde. Tu vois, Automoto, c'est un peu TF1 qui rassure son vieux public. Tu vois, en mode, on est désolé pour Stéphane Collaro. Allez, on vous enlevez les nichons, on touchera pas aux bagnoles. Ouais. Mais c'est cocasse, une émission de propagande moteur qui est en 2022. Tu vois, genre, rien matin dans Automoto, ils testaient la toute nouvelle Bentley dans les rues de Beverly Hills. C'était mythique. À un moment, t'as le présentateur qui est assis à l'arrière de la voiture en disant, en gros, bah oui, quand on peut s'acheter cette voiture, on est souvent à l'arrière. Logique. Il ajoute en parlant des propriétaires de Bentley, 20% d'entre eux affirment que leur activité favorite dans cette voiture, c'est de dormir. 257 000 euros plus penché. Et si j'avais une Bentley à ce prix, mais jamais je dors dedans. Hein. Je ferme pas une paupière, je lèche le cuir, je compte les fibres de la ceinture de sécurité, je fais mon meeting de campagne dedans, même si je suis pas candidat. 257 000. T'imagines, hier matin, t'es français, tu pars voter, t'es dans l'isoloir, tu dis pour qui je vote, qui sera le plus apte à protéger la planète, qui me rendrait un peu de pouvoir d'achat. Tu rentres chez toi, il y a Automoto en Bentley, à Beverly Hills. Ça manque juste un petit coup, ça plume derrière quand même. Là tu zappes, t'as les résultats du Grand Prix de Formule 1 avec un message en dessous: limitez votre vitesse, alerte smog. Il y a une pub Renault qui te dit pense ligne 13. Putain, tu deviens ma boule quoi en France, franchement. Et enfin tu zappes sur France 2 à 13h, et là il y a Leïla qui fait: c'est une histoire incroyable que nous allons vous raconter. Il pensait que c'était un simple chroniqueur, en réalité c'était un mage. Allez, bonne émission. Joli, Guillaume.